بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طه الأمين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بس نرجع للكلام اللي تكلمناه، هو بالطبع يعني دائما الإنسان يتحرى، لأنه سيدنا عمر كان إمام خليفة، تكلم في مسألة مهر النساء، قال: ما تعتاوش كثيرا مهر النساء. فأتت مرأة قالت له: يا أمير المؤمنين، أحق أن يتبع كلامك أم كتاب الله؟ قال: بل كتاب الله، فماذا؟ قالت: أنت نهيت عن المغالاة في مهون النساء، وقال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني المرأة ذكية، ما قالش هذا إمامنا وخليفة وكذا ما فيش كلام، لا، ما قالش هو يتحمل مسؤولية، لا، جات وصلحت له، أصلحت له، وقال هو تواضع، قال: أخطأ عمر وأصابت امرأة. فهمت كيف؟ هذا إمام، هذا يسموها الإمامة العظمى، خليفة هو الإمام العظمى. فيعني في الإسلام ما ثمش هو نتحمل، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني اللي تبعوا بلاش دليل ظل معه، وهذا من علامة الساعة، وهذا موجود كثير. الناس يقول: الشيخ فلان علاش سمي فيه شيخ؟ لا يعرفوا فين قرأ، ولا يعرف السند بتاعه، إنما شافوا في تلفزة كبيرة. يعني حتى كفار ينجموا يعملوا تلفزة ويجيبوا واحد يعمل لحية عربي كافر، ثم عرب كفار، ثم عرب ملحدين، ثم عرب نصارى، ثم عرب يهود، يجيب لك عربي يهودي أو نصاري، يقول له: حكي لهم شوية قصص صحيحة، ودخلهم الغالب، لأنه الناس ولد الميزان متاعها تعدى في التلفزة. تقول له: تعرفوا شكون، وين درس هذا، شنو السند متاعه؟ لا، قبل كانوا يبحثوا، فلان عنده السند يمشيوا له شهر يسمعوا منه يتحراوا. عندك تشوف البخاري يقول لك: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي. هيك العلماء كان قبل، تو يقول لك: هذا يتعدى في التلفزة، يتعدى في اليوتيوب، يتعدى في الجزيرة، هذا هو الميزان بتاعه. عنده حزب معروف، يقول لك عنده دكتوراه. بخاري ما عندهش دكتوراه، أبو بكر ما عندهش دكتوراه، الشافعي ما عندهش دكتوراه، لكن عندهم أقوى من هذا، عندهم السند والفهم. فهمت كيف؟ عندهم السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قال: بلغ عني ولو آية. مش تكون علاما، تكون ثقة. نظر الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله لأن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. يحمل لكم، هو مش عارف، لكن يبلغ بالأمانة الشرعية بالسند يعني، وما يحرفش، هذا هو المطلوب. إذن القاعدة في الدين متاعنا كما قالها سيدنا علي رضي الله عنه، قال: جاءوا الناس قالوا له، يحكيوا على زوج صحابة كبار مبشرين بالجنة، طلحة والزبير، غلطوا، عملوا معصية كبيرة معناهم مبشرين بالجنة. جاءوا بعض الناس، جاءوا لسيدنا علي قالوا له: أتظن أننا نظن أن طلحة والزبير كان على باطل؟ قالوا بالدارجة، قالوا جاءوا الناس لسيدنا علي قالوا: واش ظن أنه هذوما نحن نحسبهم غالطين؟ هذوما الناس كبار، كيفاش غالطين؟ ايش قال لهم سيدنا علي؟ قال لهم: ليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. شفت القاعدة هيك في الدين. الرسول قال: كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، إلا الرسول ما يغلطش، لأن وحي يوحى معصوم من خطأ في الشريعة الإسلامية وفي الوحي، ما يخطأش. إذن أما قال: كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، أي واحد من أفراد الأمة غير يعني النبي قد يخطئ. الشافعي قال: إذا رأيت كلامي مخالف لحديث رسول الله فاضرب بكلام عرض الحائط. الشافعي وما أدراك، أكثر مذهب يتبعوا فيه في العالم هو الشافعي. أندونيسيا 200 مليون، ماليزيا، سوريا، أردن، فلسطين، مصر، جزر قمر، كذا، شافعي. الرسول قال يملأ طباق الأرض علما، وأخطأ الشافعي في بعض المسائل والتلاميذ متاعه يعني ما خذوش بالقول هذا، وهو نفسه قال إذا كان كلامي يخالف من حديث رسول الله فاضرب بكلام عرض الحائط. هكا الدين علمنا، قال ليش غمض عينيك تبع لي هذا عنده صفة الإمام، هذا عنده صفة كذا، صفة المفتي، يقول له هذا مفتي البلاد. هذيك عطوها عنوان كما يقول، عطوها تسمية، هذا لا يعصم من الخطأ. هذا إذن ديننا نتبعوا الدليل، تبعوا الدليل، هكذا الدين علمنا. إذن قلنا على السؤال، قلنا لو إنسان مد لفظ الجلالة الله أكبر يصح للدخول للصلاة، يصح. قال العلماء لا يصح أنه يبدل، يقول وأكبر في عوض، يقول أكبر، يقول وأكبر، أو يقول أكبر يمد في الباء، هذا لا. أما الله أكبر، ولو مد الله أكبر يصح هذا. إذن شفنا النية لتكبيرة الإحرام، إذن هناك قلنا تكبيرة الإحرام والقيام لها، لابد الإنسان يكون قائم لها، قلنا حتى ينهي الله أكبر. إذن في أقوال عند المالكية، عند الشافعي لابد، إذن لابد يكون كمل تكبيرة الله أكبر وبعد ينتقل في تكبيرة الإحرام. والنية يعني النية مثل الشافعي مع التكبيرة، ينوي الله أكبر، ينوي فرضية الصلاة الظهر العصر كذا. ثم قول عند المالكية إن تقدمت النية بقليل، إذا تقدم النية بقليل عن تكبيرة الإحرام قبل ما يبدأ، قال نويت فرض الظهر في قلبه وكبر، هنا يصح عند المالكية. عند الشافعي لا، الشافعي تكبير مع التكبيرة. إذا قراءة الفاتحة، لذلك قراءة الفاتحة وهي واجب على الإمام والفذ دون المأموم. إذن عند المالكية، عند الشافعي لأنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عند الشافعي تقرأها ولو الإمام يقرأ سر أو جهر تقرأها. عند المالكية في أقوال. إذن عند المالكية إذن وأوجبها عليه ابن العربي في السرية. إذن عندهم أقوال، هناك قالوا إذا كان تصلي وراء إمام ما تقرأش، مش شرط تقرأ. بعض المالكية قالوا في السرية تقرأ، في الجهرية ما تقرأش، هكا الإمام يقرأ أنت ما تقرأش، في السرية تقرأ لأنه الإمام يقرأ ما تسمعوش وأنت تقرأ، كل واحد يقرأ. عند الشافعي دائما تقرأ، قصدي ما تقرأ. لهذا هنا كثير ناس يسألوا شيء، يلاحظوا بعض الناس يتأخروا، يقولوا كيفاش عند الشافعية راهو، عند الشافعية لو إنسان تأخر في يقرأ الفاتحة يحق له ما دام يعني الإمام ما تقدمش كثيرا، ما فاتش ركنين فعليين. مثال مازال يقرأ في الفاتحة والإمام ركع وقام، يصح عند الشافعي. وبدأ السجدة الأولى يصح، مازال الآخر يقرأ يكملها لأنه عند الشافعي فرض تكملها الفاتحة، إلا إذا قال الإمام أنت مازال قائم هو سجد السجدة الثانية باش يقوم، السجدة الثانية هنا تحبس، قالوا إما كملتها بسرعة أو تحبس وتتبع الإمام وتزيد ركعة من بعد. عند المالكية بالطبع عندهم هذا الفصحى أنه ما يقرأش، يقدر ما يقرأش. إذا الإنسان إذا يشوف نفسه بطيء ينجم يستطيع يأخذ مذهب المالكية. إذن هذا إذن وبالطبع قالوا العلماء ويجب تعلمها على من لا يحفظها وإن كان في الوقت ساعة وكان قبل التعليم، فإن ضاق الوقت على التعليم وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها، لذلك من خل الإسلام مثال كما قلنا. إذن الفاتحة أمر مهم، كثير ناس ما خذوش الوقت الكافي في يقرأ الفاتحة، قال العلماء وجب القضاء، لأنه في كامل القرآن مش واجب إلا الفاتحة، الباقي فرض كفاية. الفاتحة فرض عين، الفاتحة فرض عين، تقرأها جيد. إذن إذن وهناك أقوال، هناك أقوال إذا كان لا يستطيع، قلنا لذاق الوقت مزاكي دخل الإسلام، يقول ذكر بدلها. هناك قال يقول ذكر بدلها، كما يقول مثل يقول 19 مرة الله أكبر. قد بعض الناس مزاكي دخل الإسلام يحب يصلي، تقول له ابدأ الصلاة ولو بالأعمال، تقول الله أكبر للدخول، وفي عوض الفاتحة تقرأ 19 مرة الله أكبر. لا، قلت عوض الفاتحة مزيك تخل الإسلام، يعني يقرأ الفاتحة فرض عليه الصلاة، إما يصلي وراء إنسان، أما تلقاه وحده في الدار يصلي ويقول 19 مرة الله أكبر عوض عن الفاتحة حتى يتعلمها. طبعا فرض في نفس الوقت، فرض عليه يتعلم حتى لا يترك الصلاة، لأن يعني مهمة الصلاة. مش كما بعض الناس يقول كاه استنى حتى نشري زربية تنبدأ نصلي، ولا تو ناخذ رتريت تنبدأ نصلي. ولا الصلاة قلنا أفضل الأعمال بعد الإيمان. وقالوا هل تجب الفاتح في كل ركعة أو في الأكثر من ركعات الصلاة أو في النصف أو في ركعة؟ أقوال، هناك أقوال عند المالكي، عند الشافعي تقرأ الفاتحة في كل ركعة، عند المالكية عندهم أقوال. هناك قالوا تقرأ في 3 ركعات إذا كان صلاة 4، أو تقرأ في ركعتين أو في الركعة الأولى. donc il faut réciter la fatiha on a dit il faut passer tout le temps qu'il faut pour apprendre à réciter la fatiha correctement. هو ايش قال العلماء؟ انا اعطيه قاعده لهنا جواب على السؤال بتاع الاخ، يعني هناك قاعده قال العلماء الاختلاف ورد في الحديث رحمه، دائما الاحسن تمشي للاكثر. مثال المذاهب الثلاثه اختلفوا في شيء، فقالوا شيء واحد قال شيء، تمشي للاكثر، تمشي للقول اللي يعم اكثر. le mieux toujours ils ont dit les savants de prendre l'avis qui correspond à tous. Donc là, par exemple, le mieux, c'est de rester dans toutes les rak'as. Ça correspond à tout le monde. Par exemple, l'aura, chez les Maliki, il dit que c'est permis de découvrir ses cuisses. Chef, il dit qu'il faut couvrir même la cuisse. Le mieux, bah, c'est qu'il couvre. Parce que chez les Maliki, si, il dit tu peux couvrir moins, ça veut dire que si tu couvres plus, c'est encore mieux. Donc si tu fais, le mieux, c'est de faire, c'est ça. Mais les avis qui facilitent, ça t'aide dans les, on va dire, dans des urgences, des cas délicats, et tu trouves c'est serré. Mais le mieux, c'est de faire l'avis qui correspond à la. C'est normal parce que c'est plusieurs personnes qui ont réfléchi, donc la majorité, c'est toujours le mieux. Mais prendre la divergence pour une urgence, par exemple, l'urgence, par exemple, ils ont dit les savants. Quelqu'un, il va tomber dans le haram, si tu lui enseignes pas cet avis là. Tu lui enseignes cet avis, comme ça au moins il fait pas le haram. مثال يحصل برشا مرات يعني بعض الناس يعني متعاركين مع العائلة باغي يتزوج فلان إما بتمشي معاه في الزنا وإلا تشوف لها حل ما عاش سام على أبوه الأم هذا يحصل تعلقت فلان صحيح إيش نعمل ننصحها أقول على الأقل عمني عند الحنفية عند الحنفية المرأة تزوج نفسها على الأقل ما تبقاش في الزنا عند الحنفية يجوز تزوج نفسها قل زوجتك نفسي قل قبلت زواجك قدام الشهود ولو بلا أبيها هذا قول عند الحنفية هي ماشية ماشية على الأقل تتعلمها شيء توقع في الحلال comme des cas urgents exemple ça arrive et des gens par exemple ils s'entendent pas avec la famille elle veut se marier avec un tel ça arrive plusieurs fois ces cas-là. Ils veulent pas son père la marier, elle va aller faire zina avec lui, ça y est. Eh ben, tu lui donnes ce qu'on dit les Hanafis pour limiter la casse. Chez les Hanafis, c'est valable, elle se marie par elle-même. C'est un avis chez les Hanafis. Elle dit, je te marie moi-même, elle dit, j'accepte ton mariage devant deux témoins musulmans. Au moins, elle ne fait pas la fornication. Parce que si tu lui dis pas ça, c'est sûr, elle va aller. Il y en a, ils font ça. Il y en a combien de gens, ils sont venus, ah, mon fils, il a, voilà... Ma fille, elle est enceinte hors mariage. Comment on fait? En fait, parce qu'il y a des familles, ils mettent la pression jusqu'à à son fille et après, elle a un enfant hors mariage. Ils ne savent pas gérer, en fait. Ils sont trop durs. Alors qu'il faut le juste milieu. C'est des cas qui arrivent. Parce qu'il y a des gens, ils laissent sa vie des dizaines d'années, elle sort dehors, elle fait ce qu'il veut. Le jour du mariage, ils vont imposer son avis. Elle s'enfuit. Si tu ne l'as pas éduquée dès le début qu'elle écoute ta parole, ce n'est pas à ce moment-là que tu bloques tout. Mais je crois que le Fatiha. Le mariage, je le précise bien, ce n'est pas juste réciter la Fatiha. Ijab au Kaboul, il dit l'ulama. C'est la formule. Réciter le Fatiha. S'il y a des hommes et des femmes, à la Mecque, il y a plein d'hommes et de femmes, tu récites la Fatiha 100 fois, personne ne sera marié avec personne. Et donc, la fête, c'est pour le baraka. T'as acheté une maison, il a réussi quelque chose, t'as acheté une bonne affaire, mariage, c'est juste pour le baraka. Ça se récite. Le mariage, c'est la formule. Le père, il dit, je te marie ma fille. Une telle, il dit, l'homme, j'accepte son mariage, devant des témoins. C'est ça le mariage musulman. C'est ça que le prophète, il a reçu comme révélation. Les Hanafis, ils sont basés sur des versets, ils ont dit, c'est valable, la femme, elle dit cette formule elle-même. C'est un avis de grand savant, hein. C'est l'avis d'Abu Hanifa. C'est pas des rigolos, c'est-à-dire c'est avec des preuves. Donc, si des gens ils sont dans ce cas-là, où ils vont le faire le haram, où tu leur donnes cet avis, c'est vrai que cet avis c'est pas l'avis des malikis ni des chefs, hein, mais c'est un avis valable quand même. Quand, au moins, ils sont pas dans le haram, sinon si tu lui fais pas ça, dans tous les cas, elle va partir. La personne. Il faut shoot, tout le temps il faut des témoins. De témoins. Chez les Hanafis, il faut deux hommes ou un homme et deux femmes. C'est valable chez les Hanafis, un homme et deux femmes. Ijab ou al-Kaboul. عند الحنفي قال الإجاب يكون من المرأة يجوز. اعتمدوا على آيات. في آيات في القرآن هم اعتمدوا عليها مثل نعطيكم بعض الآيات قالوا الحنفية يعني أولوها هكذا ولا مثال في سورة البقرة قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قال الحنفية نسب لفظ النكاح إلى المرأة Ouais, eux ils l'ont interprété comme ça. Ces versets là, c'est pour les parents, par exemple pour les parents. Oui, mais eux. Oui, c'est la plus chef et maître qui dit ça. Hanafi, vous savez, y a le terme, eux quand ils interprètent, c'est basé sur le terme, parce que le Coran c'est en arabe, Donc le terme, la phrase, est-ce qu'il est général? Est-ce qu'il est restreint? Ils disent le terme, il est général. Il n'y a pas d'autre preuve qui restreint le terme, par exemple. Les chefs et les mecs, ils ont dit, bon, il y a le hadith. Il faut l'ouali. Eux, donc, des fois, le terme, il admet plusieurs sens. C'est qui interprète? C'est pas nous, c'est pas n'importe qui. C'est des grands savants, mujtahid, qu'on dit. Comme chef, Ibn Malik, Abu Hanif, Al-Awza'i, Al-Hassan Basri. C'est ce niveau-là. Eux, donc, ils sont basés sur une preuve. Ici, c'est pas pour rentrer dans le détail, parce que nous, on va pas discuter de leur niveau, mais pour dire, il s'est basé sur quelque chose. Il y a des versets, en fait, il s'est dit, le terme mari, il est attribué directement à la femme. C'est pour ça qu'ils sont basés sur ça, tu vois. C'est pas sur rien. Et c'est pour ça qu'ils ont dit cet avis. Donc, en tout cas, j'ai cité cet exemple pour donner, en fait, pour montrer que yani, la personne, on lui donne la facilité des fois pour qu'elle ne tombe pas dans le haram. Il vaut mieux qu'elle, yani, qu'elle fasse, comme on dit, limiter les dégâts, on va dire. Sinon, elle va aller dans le haram. Comme par exemple, le riba. Il y a les Hanafis aussi, ils disent, dans un pays de non-musulmans, si tu fais riba, t'es gagnant. Ils disent, c'est عند الحنفي يجوز. Ils sont basés sur un hadith. Hadith la riba bayna muslim kaif fi dari harb. Donc les Hanafis, ils ont plusieurs avis, comme les Maliki, ils ont d'autres, des avis aussi sur certaines choses. Mais en tout cas, il faut que ce soit vérifié par chaîne de transmission. Comme quelqu'un, chez les Maliki, si quelqu'un il se met en slip, c'est pas haram chez les Maliki. Ça ne veut pas dire que venez en slip ici, mais chez les Hanafis, chez les Maliki, ils ont l'avis. Chef, il dit non. Mais donc les Maliki disent, si quelqu'un il est en slip, il n'a pas de péché. Il se balade en slip. Donc, voilà, c'est des avis. Donc ils ont des preuves, des Coran, Hadith, etc. Mais tout ce qui est clair, il n'y a pas de divergence là. Ils ont une règle. On ne fait pas de recherche quand le texte il est clair. Mais quand le texte il admet des sens linguistiques, ils vont creuser. Donc voilà ces grands savants. Donc, et comme j'ai dit, le mieux c'est toujours de suivre la majorité. C'est le mieux. C'est le mieux. Chef, ils ont dit les savants, celui qui est le plus strict en fait, le plus précautionnant. Chef, il a le plus de précautions. Beaucoup de gens, de savants, certains, ils étaient maliki, ils ont changé chef. Chef, il a beaucoup de précautions sur ça, sur la, plusieurs choses. Donc, comme on a vu, chef, il est strict sur beaucoup de choses. Mais par contre, je donne un autre exemple. Des fois, les Hanafis sont plus stricts sur certains sujets que les Shafi'i et les Maliki. Par exemple, Shafi'i Malik, il dit, si tu as des milliards dans la banque, des billets de banque chez toi, il dit, il n'y a pas de zakat chez Shafi'i Malik. Parce qu'il dit, c'est pas, Dieu a cité l'or et l'argent. Et ça, c'est pas de l'or et de l'argent. Hanif, Abu Hanif, il dit non. Si quelqu'un, il a des billets de banque, beaucoup, des milliers, stocké à la maison. Chez les chefs et Malik, ils ne donnent pas de zakat. Parce qu'ils disent, les billets, c'est du papier, c'est pas de l'or et de l'argent. Ils disent, Dieu a cité l'or et l'argent. Tu vois? Et Abu Hanif, tu vois, il est plus strict que... Abu Hanif, il dit non. Ça remplace l'or et l'argent. C'est obligatoire la zakat sur les billets de banque. Donc vous voyez, Abu Hanif, il oblige certaines choses que les autres, ils n'obligent pas. Donc tu vois, certains sujets, Abu Hanif, il est plus strict. Beaucoup de gens, ils aiment même au bled, hein, parce que surtout en Tunisie, parce que l'Empire ottoman, c'était des Hanafites. Donc en Tunisie, par exemple, il y avait le cheikh des Hanafites, le cheikh des Malikites. Tahar ben Ashour, c'était le cheikh des Malikites, à Zaytouna, il y avait le cheikh des Hanafites. Et maintenant, au Maghreb, beaucoup de gens, ils suivent les Hanafites sur la zakat. Parce que Shafi'i Malik, il dit, à la fin de Ramadan, tu donnes du blé. Au bled, ils donnent de l'argent, comme ici. Ça, c'est les Hanafis qui disent ça. Chef et Malik, c'est pas valable, tu donnes l'argent. Il faut donner le blé, en Afrique, le riz, selon la nourriture la plus consommée. Chez les Hanafis, il dit, tu peux donner la valeur en argent. Donc, ça veut dire, L'avis des Hanafis, il est très connu quand même. Et en plus, Abu Hanif, c'est le premier des quatre écoles, c'est le plus âgé. Des quatre, c'est le plus âgé. Abu Hanif, c'est le premier des quatre écoles. Donc, c'est valable de suivre cet avis. Donc, par exemple, pour Ramadan, on commence la plupart ici comme Abu Hanif. Chef Yomel qui dit, tu observes. Si tu n'as pas vu dans ta région, tu ne commences pas. Abu Hanif, il dit, même si tu n'as pas vu, si à notre région, ils ont vu, tu les suis. Si c'est confirmé, ils ont vu. Donc la plupart des gens en Europe, ils suivent Abu Hanif. Tu vois? Donc Abu Hanif, c'est un grand homme quand même. C'est un Shafi'i. Il disait, tous les jours, je vais visiter la tombe d'Abu Hanif. Et je fais des doigts. Parce que il est décédé 150 l'année où il est né Shafi'i. Ils ont dit, les savants, une étoile s'est éteinte, une étoile est née. Abu Hanif, il est né, il est décédé en 150 de l'Hégire, cette même année, Shafi'i, il est né. Et Shafi'i, il avait beaucoup de respect à Abu Hanif, il visitait tous les jours sa tombe, tous les jours. C'est rapporté par un grand savant des hadiths dans le Tarikh Baghdad, qui s'appelle l'histoire de Bagdad. Il rapporte avec une chaîne de transmission, il dit, « Inni la atabarraku bi Abi Hanif, fatawaji'u la qabri kulla yawm, fakullama aradat li hajatun » صليت ركعتين ثم جئت الى قبري فسالت الله الحاجه عنده فبتبعد عني حتى تقضى هذه chaque fois je visite la tombe de Abu Hanifa tous les jours et si j'ai un besoin je fais deux rak'a et je viens à côté de la tombe et je demande à Dieu par le degré de Abu Hanif. C'est des gens, c'est pas des gens qui ils attendent un chèque derrière pour passer à la télé ou arriver dans une conférence. Non, c'est des gens, ils ont passé leur vie, ils ont fisabil. Shafi'i, il n'avait même pas d'argent pour acheter des cahiers. Il va ramasser où les gens ils égorgent les chameaux, il ramasse les os. Les os des chameaux, ils sont larges. Il prend les os, il les nettoie, il prend des cours. Et regarde, il a plus de valeur que, regarde, les rois qui ont de l'argent, les gens les ont oubliés. Regarde, chef, les gens, rahimallah, chef, il a dit. C'était des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent matériellement. Mais ces gens étaient sincères pour Dieu. Donc regarde le chef et comment les gens le respectent. Malik, Abu Hanifa, plus de 1000 ans, et les gens les citent et tout ça. Ils étaient des gens sincères en fait. Donc c'est des gens sincères au service de la religion. Et ils avaient peur quand ils parlaient, ils réfléchissaient. Et ils réfléchissaient beaucoup avant de donner un avis, etc. Et quand il ne sait pas, il dit « je ne sais pas ». Donc ça, c'est un peu pour comprendre un peu ces écoles-là. Ce n'est pas n'importe quoi, les écoles, c'est des grands hommes. Il y a d'autres, il n'y a pas que ces quatre en fait. Les quatre, c'est les plus connus en fait. Il y en a d'autres comme l'Auza'i, l'Hassan Basri. Donc il y avait d'autres qui étaient de ce niveau-là, mais ils n'ont pas eu cette grande valeur connue. Ils sont oubliés les autres. Comme l'Auza'i, c'est un grand savant, Mujtahid, mais... Petit à petit, c'est oublié. Mais Chef, Imel, Abu Hanif et tout ça, ils ont eu l'intelligence de composer. Oui, le fait qu'ils ont composé, les gens, ils ont étudié après, c'est resté, leur école. Le fait que les autres, ils n'ont pas beaucoup composé, les gens, ils ont oublié leur école. Abu Huraira, c'était aussi un savant. Abu Huraira, oui. Lui, c'est un compagnon encore. C'est encore plus proche du prophète. Voilà. Donc, parmi les compagnons, il y avait des grands savants. Hein. Le plus grand savant, il y avait Ali, l'imam Ali, Abu Bakr, Omar, Othman, ils étaient des savants aussi. Hein. C'est pas comme certains, ils croient que c'est des gens qui. Donc, c'était des grands savants. Abu Bakr, c'est un savant aussi. Hein. Et il y avait le cousin du prophète, par exemple, Abdullah ibn Abbas. Mu'adh ibn Jabal. Donc Mu'adh ibn Jabal, il était jeune quand le prophète l'a envoyé, il avait 21 ans à peu près. Ouais. Donc c'était le prophète l'a envoyé faire da'wah dans toute une région. Il avait 21 ans. 21 ans là, regarde, il joue à la PlayStation, il regarde Facebook, il parle du Barça, il ne sait même pas rester à la fête. Et c'est ça, c'est la réalité. C'est vrai. Je dirais, si, tu ne connais pas. Mais les joueurs du Barça, ils connaissent de A à Z. Oui, mais c'est pas le même époque aussi. Ah, mais c'est sûr. Heureusement, ouais. Rasoul qal khayru quruni qarni thumma alladhina yaluna wa thumma alladhina yaluna. Ah, ça n'a rien à voir, bien sûr, c'est pas le même niveau. Ils étaient jeunes, ils étaient très intelligents. Bon. Maintenant, ils ont du mal maintenant à réfléchir. Maintenant, encore les jeunes qui viennent après nous, bon, ça va. Peut-être encore pire que ça. Eh, hey, ouais, plus ça va, plus. Donc, alhamdoulilah, واحد يتعلم يتبع العبرة. الرسول قال إن أولى الناس بالمتقون من كان وحيث كان priorité العلماء يقول كم من قريب بعيد وكم من بعيد قريب c'est-à-dire l'important c'est de suivre le prophète c'est pas d'être à côté le plus important c'est de suivre comment suivre c'est apprendre sa loi quand tu apprends c'est là que tu suis le prophète c'est pas juste parler ou l'apparence ou raconter des histoires comme beaucoup ils passent leur temps juste à raconter des histoires il faut apprendre les règles de la loi du prophète et ne pas délaisser cela et donc on a vu les grands savants bah, il y en a beaucoup en fait en réalité mais l'important c'est d'apprendre par transmission c'est ça l'important c'est d'apprendre par chaîne de transmission c'est comme ça qu'on apprend la religion le problème de nos jours c'est des gens ils font une réflexion personnelle il vient l'exposer aux gens. C'est ça le problème. Alors moi, je pense que, à mon avis que, vu la circonstance que... Non, c'est pas comme ça la religion. Il faut transmettre. C'est ça, par chaîne de transmission. Et c'est ce qui manque de nos jours, en fait. C'est ce qui manque. Les gens, ils cachent les règles aux gens. Même des imams, ils ne veulent pas parler aux gens des règles. Ils restent un peu superflus. C'est pour ça que tu vas dans une plusieurs mosquées, c'est rare qu'ils expliquent les détails, en fait... voilà, il faut savoir réciter correctement sinon la prière n'est pas valable. En fait, beaucoup de gens, de nos jours, tellement ils sont faibles, même des imams, ils veulent toujours la sympathie des gens. Son but, c'est que les gens l'aiment bien. Alors, ce n'est pas comme ça. Le but, c'est que les gens l'aiment bien. La vérité n'a pas laissé beaucoup d'amis à Omar. Il faut dire la vérité aux gens. C'est ça qui va les sauver. Tu leur dis la vérité en face. Il faut leur expliquer. Dans la tombe, c'est ça. Tu ne seras pas avec eux. Ils ne seront pas avec toi. Donc il faut leur dire la vérité. C'est ça qui va être utile. Ils seront contents en réalité que tu leur as dit la vérité. Comme ça, ils appliquent correctement. Hein? Il y a des sunnah. Il faut rester avec le mort. Oui, ça c'est sunnah. Donc dans l'islam, de faire talqin du mort musulman. Talqin, qu'on l'a dit, Abdallah, ibn Amatillah, uzkur al-ahd alladhi kharajta alayhi min ad-dunya, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa annaka radita billahi rabba, wa l'islam dina, Muhammadin nabiya. Hadith talqin. Hadith sunnah. Qu'est-ce que j'ai dit en fait? C'est que tu ne vas pas rentrer avec dans la tombe. Tu ne vas pas dire, hey, c'est lui qui est, c'est lui mon avocat. Tu ne vas pas dire, aux anges, j'ai un avocat. Ça ne marche pas l'avocat. Ici, il y en a qui te disent, hey, j'ai payé un avocat. Il a des dons, c'est. Spirituel. Non, ils disent, il a des canines. Ça, pour dire, l'avocat, il est. Même un assassin, il arrive à le faire sortir propre. Devant les gens. Dans la tombe, ça ne marche pas. Ni avocat, ni gradé, ni rien du tout. Ou tu as bien fait ou non. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas cacher ton dossier ou fiche S. Ça ne marche pas. Tout est là. Il n'y a pas besoin d'envoyer. Tout est là. Il n'y a pas besoin de faire une demande casier judiciaire vide. Ça ne marche pas là-bas. C'est la réalité. Parce qu'il y a des gens, ils camouflent aux gens, ils veulent que les gens, voilà. Moudahana, ils appellent ça les savants. Ouais. Je camoufle sur toi, comme ça tu m'apprécies. Non. Non, il faut dire la réalité, parce que chacun, on sera dans sa tombe, tout seul. Les gens, beaucoup, les imams, ils attendent. Ah non, parce qu'il attend un salaire derrière, quelque chose comme ça. Beaucoup, c'est comme ça. Hein. Donc il travaille de façon intéressée, mondainement. Et ça, c'est pas bon. Ça l'empêche de dire la vérité parce qu'il se dit, il y a quelque chose, il a un intérêt derrière. Dans la religion, non. On t'a pas un intérêt, tu cherches fisabilillah. Inna ma nut'imu kulli wajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Exactement. Beaucoup. Beaucoup. C'est ça le problème, c'est beaucoup. Beaucoup, en fait, c'est. Ils vont. Parce qu'il attend quelque chose derrière. Beaucoup. Même des non-musulmans eux-mêmes, ils remarquent que c'est des. Lui, ça, ils vont sa religion. Ils le remarquent. Je vois des exemples. Il y a des gens, ils sont là, ils les ramènent dans les plateaux, il va se moquer de la religion, etc. Et puis les gens, ils se disent, mais toi, tu te dis musulman, mais c'est n'importe quoi en réalité. Ça arrivait plusieurs fois dans des plateaux de télé. Ils voient que lui, c'est un vendu, en fait. Tu vends ta religion pour nous plaire. Et ça veut dire, pour nous, toi, t'es un moins que rien. Donc ils n'ont pas de respect pour lui parce qu'ils voient bien qu'il vend sa religion. Donc la personne, de toute façon, elle se dit une chose. Cette vie, c'est passager. Il suffit de voir les gens. Il y a des gens, j'étais au bled, il a fait une superbe villa, il est mort avant de la finir. Sa femme, elle a dit, faites un tour avec le cercueil. Il est rentré, il fait jure, il va le sondour, il est mort, il n'est pas rentré. Sa femme, elle était tellement triste, elle a dit, rentrez le cercueil, faites un tour dans la villa. Qu'est-ce que ça sert? Il s'est construit, il s'est fatigué, il a fait le haram dans sa vie. Et les gens, il arrive, vite que c'est là, il profite à sa place. Ça arrive gratuit. Lui, il a dénoué, eux, ils ont. Lui, il a pris. Et eux, ils arrivent, ils profitent. Et c'est comme ça, beaucoup de gens. Ils sont dans le haram, après, hop, ils meurent. Oh, crise cardiaque. Il a laissé le haram, et les gens, ils profitent. C'est ça. Parce que les gens, ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas loin. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Al-Anbiya ou Al-Awliya, yanzuruna ila rahati mustaqbalihim. Les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, les prophètes et les vertueux, ils regardent le repos futur. Ils sont intelligents. Les prophètes, ils regardent le repos futur. C'est ça. Donc, et c'est ça qui manque beaucoup de gens. En fait, ce qu'on dit, c'est facile. Mais vaincre le mauvais penchant de l'âme, c'est ça qui est difficile. Beaucoup de gens, ils ne veulent pas délaisser l'habitude. Il est habitué dans l'ignorance. Il est habitué, il ne demande à personne. Et il ne veut pas demander, il ne veut pas s'asseoir, apprendre, essayer de comprendre. Ça nécessite une modestie. Et de casser son œuf pour aller vers la science. Parce que deux qui n'apprennent pas, celui qui est orgueilleux et celui qui est très timide. En islam, trop timide, tu n'avances pas et... T'as trop la fierté, ben, t'avances pas. Il faut un juste milieu pour que la personne demande, etc., avance, comprend sa religion pour pratiquer. Donc, parce que il faut toujours se rappeler que Dieu t'a donné le fait d'exister, de respirer. Si vous essayez de dénombrer le bienfait que Dieu vous a accordé, vous n'y arriverez pas. Quand tu apprends, tu pratiques correctement, tu obéis à Dieu. Et c'est facile, mais il faut persévérer pour comprendre ces règles-là. Les règles, elles sont faciles, mais ça demande répéter, se concentrer pour bien comprendre ces règles-là. Donc, comme on a parlé sur la prière, sur d'autres sujets, alhamdoulilah, tu vois des jeunes, alhamdoulilah, ils persévèrent, ils apprennent, et tu es content de les voir, ils pratiquent correctement. En réalité, c'est facile. Mais il y a des gens, ils sont dit, Shaitan, il joue en fait. Il dit, ah, ça y est, t'es vieux maintenant, c'est pour maintenant. Shaitan, il leur dit, non, ça c'est pour les jeunes, toi, ça y est. Maintenant, ça y est. Alors, ça aurait été, non. Tant que t'es pas mort, tu peux te rattraper. Tant que t'es pas mort, tu peux te rattraper. Il y a des gens à l'époque du prophète, ils sont convertis quelques minutes avant de se mourir. Il a œuvré peu, il a gagné beaucoup. Il est très connu, l'histoire. Il est rentré dans l'islam, il était dans la bataille. Après, il est mort. rentrer en islam, ça efface tous les péchés et il meurt martyr. Non, ça c'est faux. Attention, attention, attention. C'est pas accepté quand tu perds tout espoir de vie. Attention, Pharaon, avec, il était dans les vagues. C'est pas pareil. C'est pas accepté parce que ça y est, il était, perd tout espoir de vie. Mais quelqu'un, le médecin, il te dit, ah ça y est, c'est tes dernières heures, on a fait le calcul. Et quelqu'un, il rentre en islam, ça arrivait. Il dit, concert face final, il rentre en islam. C'est valable, ça. C'est valable. Il y avait un juif, et il était sur le lit de la mort. Le prophète, il a dit, dis les deux témoignages. Il a dit, il est rentré, il est mort. Juste après. Le prophète, il a dit, Alhamdoulilah, il a dit, anqadhahu bi minanna. Il n'a pas dit, c'est trop tard. Trop tard, c'est quand l'exemple de Pharaon, c'est qu'il était sur les vagues, c'était perdu tout espoir de vie. Ça y est. C'est pas pareil, là, c'est précis, tu vois. Si quelqu'un dit, c'est pas accepté, ça contredit l'islam. Parce que le prophète, beaucoup, ils sont convertis. Ah, juste avant de mourir. C'est très connu. Tous, je pense, connaissaient l'histoire. Où un compagnon, il a levé son épée sur un mécréant. Le mécréant, il a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le compagnon, il a complété. Ils ont raconté au prophète. Le prophète était fâché contre lui. Il a dit Limada, pourquoi tu tues quelqu'un qui a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Il a dit quoi, le compagnon? Il a dit, il a eu peur de l'épée. Le prophète, je parle. Ou hal shakhta ala qalbi? Est-ce que tu as vu son cœur? Donc ça veut dire quoi ici? Le prophète, il l'a considéré musulman. Alors qu'il l'a dit devant l'épée. C'est pas un lit de l'hôpital, c'est devant l'épée. Donc tu vois les preuves. Tu vois, on revient aux preuves religieuses. Donc le prophète, il l'a considéré musulman. Il a dit, yani, il y a des témoignages devant l'épée dans la bataille. Donc ça, c'est accepté. C'est quelques instants avant de mourir. Et il a blâmé le compagnon qui a compléter l'action au lieu de s'arrêter. Il n'a pas aimé, il était fâché contre lui. Tu vois? Tu vois l'exemple? Ça, c'est connu, ce hadith. Tu vois? Il y a d'autres exemples. Donc, l'exemple de Pharaon, c'est à part. C'est qu'il était dans les vagues, il a perdu tout espoir de vie. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ça n'a pas été accepté de lui. C'est pas pareil. Tu vois, une nuance. C'est quand il perd tout espoir de vie. Mais là, il a dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Donc, c'est pas pareil, là. Parce que là, il est possible que l'autre, il s'arrête. Et l'autre, il a complété. Mais le prophète, il l'a considéré comme musulman, quand même. Ah ouais, bon, c'est une autre histoire de voir. Non, on ne dit pas comme ça. Ces détails-là, il faut faire attention. Nous, la religion, c'est précis. C'est pas n'importe quel. Comme une fois, ils ont montré la nageuse, elle sortait avec, de la piscine avec une écharpe. Ils ont fait, ouais, elle est devenue musulmane, et après, elle a dit non. C'est pas juste on a vu un truc. Déjà, nous, on dit l'évangile, la Torah, ils n'ont pas les vrais. On ne sait pas ce qui s'est marqué ou non. D'accord ? Déjà, on ne dit pas comme l'évangile et la Torah, ça contient l'islam. Est-ce que ça cite les pharaons, etc. ? C'est autre chose. Hein. Tu vois, c'est précis. Lui, il est rentré en islam, tant mieux pour lui si elle est rentrée. Ben, c'est lui qui gagne. Hein. Hein ? C'est comme on l'a dit dans le Coran, c'est lui qui gagne. Dieu n'a besoin de rien. Donc, après. Donc, nous, on suit ce qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran, c'est Pharaon, il est mort. Donc, il est mort et non musulman, en fait. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin, nous, on croit, le Coran, il est vrai. On n'a pas besoin des preuves scientifiques ou des additions qu'il peut faire. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses étonnantes dans le Coran qu'on ne connaît même pas. Il trouve, voilà, tel chiffre, tel nombre, il est répété, tel mot, etc. Ça donne ça. C'est vrai, ça, il y a des choses. Plein. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre les règles de base. Parce que les gens, ils s'attachent. Ils te disent les miracles numériques dans le Coran. Ils ne connaissent pas les règles de base. Ils passent son temps à faire des additions, etc. C'est vrai, il y a des choses étonnantes, tu entends? C'est vrai. Mais Dieu ne t'oblige pas à connaître ça. Connais les règles d'abord. Avant de compter les lettres, ça donne combien, etc. Connais les bases, ça c'est haram. Quand est-ce, comme on a vu la règle, là. C'est quelqu'un, il meurt. Il se convertit juste avant de mourir, même devant l'épée. Bah, le prophète, il a considéré que les musulmans. Ça, c'est une règle importante à savoir. On ne peut pas dire non, ce n'est pas valable. Parce qu'il y a des imams. Et quelqu'un, il veut se convertir et dit non, tu ne peux pas. Toi, t'es... Il y en a un, il me l'a raconté. L'imam, rue Mira, il m'a raconté. Là, il est parti, il lui a dit, toi, tu ne peux pas te convertir parce que tu es gaucher. Il me l'a raconté, la personne. C'est un Français digne de confiance, un bon musulman qui a pris la religion. Il s'appelle Moussa, il vit à Nîmes, il a plus de 40 ans. Il me l'a raconté à moi. Je lui dis, on a passé une... J'ai dormi chez lui, je dis, raconte-moi comment tu as connu l'islam. Il me dit, ouais, je travaille avec des Arabes, comme beaucoup de gens, ils s'intéressent à l'islam, ils fréquentent des Arabes et tout. Il m'a dit, je suis parti à la mosquée, rue Mira, j'ai trouvé les gens, ils mangent, je commence à manger, il y a l'imam. Et il a dit, moi je mangeais de la gauche, j'étais pas musulman, je mangeais de la gauche. L'imam, il regarde, il dit, toi, tu peux pas te convertir, t'es gaucher. C'est mon avis, ça, c'est de la mécréance, ça. C'est de la mécréance claire. Il m'a dit, je suis parti... à côté de le Conforama, la mosquée. L'imam lui a dit, va te doucher. Lui, il ne connaît pas, il est parti se doucher. Il m'a dit, je suis revenu. Il m'a dit, non, va, prends une autre douche. C'est n'importe quoi. Après, il a regardé sur Internet, il a trouvé notre adresse. Il est venu, il a dit, dis-lui des témoignages. Il a vu la comparaison, tu vois. Nous, direct, répète Shahadatayn. L'autre, il a dit, va se doucher. L'autre, il a dit carrément non. Et ça m'a choqué, moi-même, ça m'a choqué. Hein. Je ne m'attendais pas, ça existe des imams qui disent ça. Il l'a raconté, il lui a dit non. Et ça, on l'a vu, le Nawawi. L'autre fois, j'ai ramené le livre de Nawawi. Il dit que c'est de la mécréance. Quelqu'un qui dit, je veux devenir musulman, tu lui dis, attends, toi-même, tu sors de l'islam. C'est comme si tu lui dis, reste mécréant. Donc, tu vois, les règles, c'est important. Il va lui dire carrément non. Donc, ça, c'est très grave. Ça, c'est l'ignorance. Et ça, c'est un imam. Le titre d'imam, bien sûr, ça ne va pas le sauver. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا كريم السلام عليكم